Bonjour Thomas. Alors, d'abord, François, merci pour l'invitation. Je suis venu ici pour parler de l'univers, mais aussi surtout d'Elasticsearch. Alors, j'ai informatique au gouvernement, j'ai aussi développé une expertise en données ouvertes et en web sémantique ces dernières années. Et depuis 2 ans, j'utilise un environnement qui s'appelle Elasticsearch. Alors, qui a entendu parler d'Elasticsearch? Bon, alors, qui est abonné à Netflix? OK, qui utilise Wikipédia? Donc, vous êtes tous des utilisateurs d'Elasticsearch. Qui est sur LinkedIn? Hein? Alors, LinkedIn, gros utilisateur d'Elasticsearch. Alors, Elasticsearch, c'est quoi sinon une sorte de Google Analytics, open source, base de données, de documents, type JSON, Service REST intégré. Alors, écoutez, cet après-midi, ceux qui seront intéressés, on pourrait, il y a beaucoup de partage autour ici, on pourrait se faire un petit cluster Elasticsearch ensemble en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, pour les intéresser. Alors, je suis là pour ça, ceux qui veulent télécharger Elasticsearch, puis je vous montrerai comment l'activer, puis ensuite faire un cluster que vous pourrez ramener à la maison. C'est d'open source, et je vous dirais qu'Elasticsearch est un des engins NoSQL extrêmement populaire dans la communauté de l'open source. Maintenant, le lien avec Elasticsearch et les données ouvertes, c'est que les données ouvertes, c'est comme les saucisses. Meilleur on en mange, plus on en mange, meilleur ils sont. Moi, ceux de ma génération qui connaissaient le slogan des saucisses high grade. Alors, les données, il faut que ça soit consommé pour que la qualité s'améliore. Et tant qu'il n'y a pas des bons outils qui consomment les données ouvertes, ben, les données restent ce qu'elles sont. Souvent pleines d'erreurs. On a eu un bel exemple tantôt avec ce que fait la communauté OpenStreetMap. Les gouvernements mettent des données. Je fais partie des gens qui, au gouvernement, sont concernés par ces dossiers-là. Mais il reste que, tant qu'il n'y a pas des geeks, des programmeurs, des enthousiastes, des citoyens qui consomment les données et qui disent, ben, on peut faire plus, on peut faire mieux. C'est entre autres, je pense, l'idée de la journée d'aujourd'hui. Alors, en commençant, le plan de ma présentation, c'est très simple. Je vais vous parler d'Elasticsearch, puis je vais vous montrer comment, en quelques heures, j'ai fait un projet avec les données ouvertes de la Ville de Québec et Elasticsearch pour faire de la visualisation de données. Alors, qui connaît Détroit? Bon, ça me donne un bon idée de votre niveau de geekitude. Qui a Node.js installé sur son portable? Bon, alors... Alors, je vais vous présenter Kibana, qui est un projet open source qui a vraiment le vent dans les voiles de la compagnie Elasticsearch, qui est un outil de visualisation de données. Et mon objectif, c'est qu'à la fin de la présentation, dans une quinzaine de minutes, on va savoir où aller pour s'inscrire à des activités de... je ne suis pas très sportif, là. Alors, on va dire de hockey, OK, à Québec, au mois de mars. OK, alors ça, c'est la question qu'on veut poser aux données ouvertes de la Ville de Québec. C'est où qu'on inscrit son enfant à une activité de hockey au mois de mars, le samedi. OK? Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure? Oui? Bon. Alors, ça fait des années que j'attends l'occasion de me découvrir. Alors, des données ouvertes, ça nécessite une certaine transparence. Et l'informatique, c'est ça. Alors, ça, c'est probablement le plus vieux système de traitement de l'information. Alors, ça me prendrait une autre présentation sur les données ouvertes pour vous expliquer comment ça marche. Mais disons que c'est un système dont le principe fondamental des données est fonctionnel, garbage in, garbage out. D'accord? Alors, pour moi, des données, c'est la matière avec laquelle on fait de l'information. Donc, les données ouvertes, c'est que maintenant, il y a un canal d'information, je ne fais pas de jeu de mots, et ça va être traité par nous. Et nous, on est quoi? Ben, on est les micro-organismes qui nettoient l'environnement. Puis en bout de ligne, ben, on fait quelque chose de positif avec ça. Et donc, pour des micro-organismes ou des geeks, ça prend des environnements pH 0, des conditions optimum. C'est ce qu'on se retrouve dans nos intestins, entre autres. Et il y a un bioinformaticien ici qui pourrait tout nous expliquer ça. Et cet environnement-là, ben, c'est la technologie. Elasticsearch, Kibana, ce sont des technologies. JSON, ce sont des technologies. Et nous, les informaticiens, quand on est dans un milieu où il y a plein de technologies, ben, on peut faire une bonne job en, comment dire, traitant des données de qualité parfois douteuse et en faire quelque chose d'utile pour la société. Alors, j'ai terminé mon introduction, je m'assois et on prend 15 minutes pour faire une application en deux nouvelles. Alors, d'abord, je suis venu ici et je suis allé dans le catalogue de données. Puis je dis, bon, ben, il faudrait bien que je me prépare un peu. Alors, je vais aller chercher des données. Alors, je suis allé chercher les activités de loisirs gratuites et payantes de la Ville de Québec. Alors, ce sont des données en JSON. Alors, tout le monde est familier avec JSON. Il reste que, disons, que c'est un format qui se digère plutôt bien. Mais entre les données qui sont là et un site web dans OpenStreetMap, ben, il y a un certain nombre de choses à faire. La deuxième chose que j'ai faite, j'utilise Talan, qui est un ETL. Si vous voulez travailler avec des données et que vous ne travaillez pas avec un ETL, écoutez, c'est votre droit de faire du Python puis du Ruby, sauf que c'est de l'ouvrage. Moi, j'avance en âge, alors je cherche des solutions qui sont plus à mon niveau. Alors, voyez, ça, j'ai développé ça en à peu près trois quarts d'heure. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'input des deux fichiers que je concatène. Ensuite, je suis allé chercher les API de Google, parce que, évidemment, si on veut faire une application avec la géolocalisation, ça nous prend les coordonnées. Alors, vous voyez ici, j'appelle les API de Google avec ma clé là, du geocoding. Alors, j'ai tout simplement garoché chez Google la chaîne de caractères de l'adresse et par bonheur, Google me retourne longitude, latitude, ce dont j'avais besoin. Ici, on a un bel exemple de consommer des API ouverts. Ici, ben, vous voyez, c'est tout simplement un petit parseur de JSON. Alors, c'est un composant qui vient dans le, comme il y en a 800 dans l'environnement Talan. Je ne suis pas ici pour vous parler de Talan, c'est l'outil avec lequel je travaille, c'est un open source. Aussi, construit sur Eclipse, c'est un ETL extrêmement puissant et efficace. C'est avec ça que j'ai fait les transformations. Ensuite, ben là, j'avais des montages. Je voulais peut-être, ici, j'ai fait une conversion de la chaîne de caractères du coût d'activité en flottant, au cas où que, on ait quelque chose à faire avec ça. Puis en bout de ligne, j'ai fabriqué un document JSON. Alors, vous voyez ici, c'est la... C'est la structure du document JSON, où vous voyez ici, c'est le document JSON que j'ai récupéré du fichier et je l'ai enrichi en ajoutant le coût en format numérique et les coordonnées géospatiales longitude, latitude que j'ai obtenues chez Google. Maintenant, une fois qu'on a tout fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, j'ai lu deux fichiers qui contiennent chacun 300 occurrences. C'est ce que vous voyez ici, 300 occurrences qui ont été traitées. Et en bout de ligne, Elasticsearch, ce sont des services REST. Alors, vous voyez ici, non, c'est tout simplement un appel HTTP, input, sur mon serveur Elasticsearch. Et je suis allé mettre dans l'index Québec avec le type de document qui s'appelle Activité. L'identifiant qui est ici, c'est l'identifiant que la Ville de Québec a attribué à chaque activité. Et maintenant, j'ai non seulement une URL qui me retourne les données JSON, mais j'ai les données JSON de toutes les activités du Québec rendues quelque part dans Elasticsearch. Alors, ça, c'est la partie consommée des données ouvertes. Alors, vous voyez, là, on peut presque dire que c'est organique. On prend différents composants, on les branche ensemble, on fait les transformations et je pense que c'est essentiel si on veut consommer des grands volumes de données. Alors, je vous invite à découvrir des outils comme ceux-là. Évidemment, il y en a de nombreux autres. Maintenant, vous êtes ici pour entendre parler d'Elasticsearch. Alors, Elasticsearch, d'abord et avant tout, c'est un projet open source. Alors, qui est un utilisateur de GitHub? Bon. Quel est le moteur de recherche chez GitHub? Ben là, vous me décevez. Elasticsearch a été construit chez GitHub. Les gens de GitHub ont dit, « Hey, ça a l'air à marcher tes affaires. » Ben écoute, on travaille fort là-dessus. Alors, Elasticsearch, ça c'est fondamental, j'aurais dû vous dire ça en entrée de jeu. Elasticsearch, c'est d'abord et avant tout un cluster de serveurs Lucene. Alors, déjà qu'on sait que Lucene, c'était génial. Alors, un cluster de serveurs Lucene, ben, c'est tout simplement des centaines de serveurs Lucene qui peuvent travailler en parallèle pour vous puis faire des requêtes avec des API. Ceux qui ont travaillé avec Solr, S-O-L-R, là, le projet Apache, là, ben, Elasticsearch, c'est ça sur stéroïdes, avec un modèle qui est beaucoup plus, un modèle de cluster qui est extrêmement évolué. Alors, il y a quelqu'un qui voulait faire un livre de recettes à sa blonde, puis finalement, il est parti de Lucene, il a fait un cluster, il a mis ça sur GitHub. Et aujourd'hui, le moteur de recherche de GitHub, c'est Elasticsearch. Mais c'est aussi un des projets open source chez GitHub que le vend à Iwan. Alors, vous irez chercher une copie, c'est ce qu'on pourra faire cet après-midi. Kibana, la compagnie, parce que Elasticsearch, c'est comme n'importe quel projet qui a un certain avenir, a une compagnie derrière, comme MySQL l'a été. Par contre, ce qui est fantastique, c'est que tout l'environnement de développement d'Elasticsearch, pour tous leurs produits, est sur GitHub. Il y a très peu de choses que la compagnie Elasticsearch garde pour elle. Et leur modèle d'affaires, c'est simple, c'est que dans Elasticsearch, il n'y a pas de sécurité. Alors, si vous voulez avoir un environnement Elasticsearch avec de la sécurité, donc l'équivalent de Grant ou Revoke dans une BD relationnelle, ben là, tu achètes leur produit. Il y a des dizaines de recettes sur Internet pour faire ça avec d'autres produits, dont Nginx, serveur web extrêmement populaire. C'est la façon la plus simple de sécuriser un environnement Elasticsearch. Moi, personnellement, c'est ça que j'utilise. Kibana, c'est le deuxième outil dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, on est rendu là. Maintenant qu'on a mis les données dans un Elasticsearch, on va faire une application. Alors, je vous invite sur le site d'Elasticsearch à découvrir le projet Kibana. Kibana, c'est un framework qui vient d'être écrit depuis 2 ans en Node.js avec Angular et D3. Et la nouvelle version qui vient de sortir, c'est tout chaud, permet l'extension du framework avec nos propres plugins. Donc, il va y avoir toute une communauté de gens qui vont développer des plugins de visualisation. Et vous allez voir dans quelques minutes à quoi ça ressemble. Il y a déjà un fork du projet Kibana. C'est la compagnie irlandaise Styrene Solutions. Et c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, ça vous montre, là, c'est tellement un projet open source que Kibana s'est déjà fait forker avec des fonctionnalités supplémentaires. Je ne suis pas ici pour vous en parler, mais c'est avec ça que je travaille. Alors, voici la finalité qu'on veut obtenir. On veut faire un tableau de bord avec OpenStreetMap que vous voyez en bas à droite, des dates, des pie charts, puis on va naviguer. Alors, je l'ai construit en arrivant tantôt dans la salle. OK, ça se fait en 5 minutes. Alors, maintenant, comment on fait ça? Alors, je suis sûr que vous êtes suspendu à mes lèvres. Alors, d'abord, mon environnement Elasticsearch, je crois, il est hébergé chez OVH, j'ai un petit serveur à 5$ par mois. Alors, 2 GB de RAM, 10 GB de disque, c'est suffisant pour faire rouler tout ça. D'accord? Là, je vais vous amener dans. J'ouvre la bonne fenêtre. Bon, alors. Alors, voici le serveur, un serveur Elasticsearch que j'utilise en ce moment. Et voici mon index. Alors, toutes les données que j'ai. En fait, ça, c'est celui qui est chez OVH. J'ai un index qui est ailleurs. Mais essentiellement, ce que vous voyez ici, là, c'est un cluster Elasticsearch extrêmement simple. Il y a seulement une occurrence. Si j'avais plusieurs occurrences, ce qui est le cas du serveur de production que j'utilise là, aujourd'hui dans la démo, bien, il y aurait plusieurs bandes vertes. Parce que chacune des bandes représente un des nœuds du cluster. Alors ça, c'est mon petit serveur qui est, vous voyez ici, là, qui est chez OVH. Puis ceux qui veulent s'amuser à entrer dedans, ben, il est sécurisé avec Nginx. Alors je vous invite à trouver mon mot de passe, là, mais c'est le genre de truc qui peut traîner sur Internet, sécurisé par mot de passe HTTP. Alors, c'est là-dedans que j'ai... je vais juste aller chercher... Alors, celui-là, ouais. Alors, ici, vous voyez différents index. Et là, je vais vous montrer. J'ai un blanc, non? Attends, je ne vais pas aller là. Je vais rester dans. On va plutôt finir de construire notre visualisation, puis je vais vous montrer plutôt ici à quoi ressemblent des données telles que je les ai importées. Alors, quand vous installez Kibana, ça c'est l'équivalent, ça c'est Kibana, là, vous avez ici les différents index. Alors, j'ai créé l'index Québec, c'est ce que vous avez vu tantôt dans mon URL. Là, je ne sais pas si j'ai un problème. Oui, alors là, j'ai un temps de réponse. Alors, vous voyez, là, il y a 465 activités. Ces activités-là sont représentées sur un timeline, là, quand est-ce, c'est la date de début. Et pour chacune de mes activités, ici, j'ai sa structure, son schéma. Et vous voyez, si je clique ici sur JSON, ça ici, c'est le format du document JSON que j'ai posté tout à l'heure avec mon HTT Post. Alors ça charge en 4-5 minutes maximum. Alors, maintenant, pourquoi on fait ça? C'est parce que Elasticsearch, c'est un moteur de recherche. Alors, si j'ai dit qu'on voulait inscrire quelqu'un à des activités de hockey, alors voici les 31 activités de hockey de la ville de Québec. Et ce que vous avez sur le timeline, c'est à quel moment ces activités-là vont avoir lieu. Maintenant, vous êtes en données ouvertes. Alors, souvent dans les données ouvertes, il n'y a pas d'explication de qu'est-ce qu'il y a dans les données. Alors ici, vous avez un outil, tout simplement un générateur de facettes, qui me permet tout simplement, en cliquant ici, d'avoir chacune des facettes. Alors, vous voyez, là, les activités de hockey, c'est dans le domaine du sport de plein air et du sport de glace. Si par contre, j'enlève mon critère de sélection ici, alors je vais avoir les 400 activités. Et cette fois-ci, ben, vous voyez, j'ai des activités de sport, d'activités physiques, aquatiques. Alors, si je m'intéresse à la natation, je viens de sélectionner ici, avec le filtre, les activités de natation. Et si je m'intéresse aux activités de natation qui ont lieu le mardi, voici les activités de natation qui ont lieu le mardi. Alors ça, c'est un exemple d'utilisation de données ouvertes dans un framework pour consommer des données ouvertes avec tout simplement un canal de transformation puis de chargement que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, c'est un projet d'une heure. Maintenant, allons plus loin. Alors, dans l'environnement Kibana, on peut faire de la visualisation de nos données. Alors, ici, il y a différents outils de visualisation de données. C'est ici, justement, que la communauté va enrichir le framework Kibana en créant des plugins. Alors, j'ai créé un certain nombre de ces plugins-là et ensuite, on s'en va dans le dashboard. Alors, je vais vous montrer, on va créer tout simplement un nouveau dashboard. Alors, je vais sélectionner les objets qui m'intéressent, que j'ai créé, des objets de visualisation. Alors, je les ai créés séparément. Ensuite, vous voyez, là, on est dans Angular. D'ailleurs, c'est un framework qui fonctionne très bien sur tout ce qui s'appelle application, tablette, mobile. Alors, puisque le temps file, je vais limiter au plus simple la mise en page. Alors maintenant, on va dire, je cherche des activités du lundi qui ont lieu à cette période-ci de l'année pour mes vacances. Alors, vous voyez, à partir d'ici maintenant, je vais pouvoir zoomer. Et tout simplement parce que j'ai associé chacun des lieux d'activité avec ses coordonnées géospatiales. Voici les endroits où le lundi, je peux avoir une activité pour occuper mes vacances. Alors, c'était mon objectif de vous montrer comment on peut consommer des données ouvertes, les transformer en utilisant un framework d'ETL open source. En les important avec, vous voyez, un simple URL et un simple post dans un framework de stockage de documents JSON, qui est équipé avec tout un ensemble de fonctionnalités, dont la première, c'est le moteur de recherche Lucene. Et grâce au framework Kibana, on peut faire de la visualisation de données et construire une application où tous les éléments sont intégrés. Je conclurai là-dessus. Microsoft peut aller se réveiller. Des frameworks pour faire de la visualisation de données comme il s'en va à travers le monde. Ben, en ce moment, comme d'habitude, les gens de la communauté du livre sont en train de rattraper et de combler un autre besoin essentiel dans la société, à savoir créer des outils de prise de décision qui sont libres et gratuits. Merci beaucoup. Merci. Question? Quelle activité que tu as choisi? Pardon? Quelle activité que tu as choisi? Ben là, tu vois, là, normalement, il y a une barre de recherche là, qui apparaît. Là, les activités ici, non? Tu vois, normalement, la liste des activités apparaît ici. Alors, j'ai un peu de configuration à faire. À la base, quand vous avez travaillé avec Elasticsearch, Elasticsearch va décomposer l'ensemble de toutes les chaînes de caractères en mots. Alors, en ce moment, dans mon tableau de bord, je ne vois que des mots. Il y a une opération de configuration qu'il faut faire pour lui dire, écoute, un titre, c'est pas le mot, c'est une phrase. Puis une fois que cette opération-là de configuration est faite, ce sont les phrases, les titres qui apparaissent dans le tableau de bord. Mais je pense que l'essentiel de ma démonstration, c'est de montrer qu'on peut géolocaliser, avoir un timeline, faire une navigation graphique en l'espace de tout simplement parce qu'on a mis des données ouvertes en format JSON dans un contenant qui est fait pour les exploitants. Faire des analogies avec des produits que peut-être vous connaissez, Tableau. Alors, ceux qui font beaucoup de BI, Tableau, produit commercial, là, vous aurez reconnu OpenStreetMap. Alors, en fait, là, ce qui est intégré dans Kibana, c'est la banque de données OpenStreetMap. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous avez la possibilité de mettre une couche de visualisation de données qui est dans Elasticsearch, mais qui est représentée sur le framework, en fait, les données ouvertes d'OpenStreetMap. Alors, qui cet après-midi est intéressé à mettre les mains dans la pâte d'Elasticsearch? Là, moi, je resterai une heure, puis on pourrait faire un petit projet là, ensemble. Vous levez la main? OK, bon, alors, on a rendez-vous après le lunch. Cet après-midi, ça va être atelier. Ben, j'ai une présentation, puis après ça, après la présentation, on va avoir 2 heures où on bricole, puis après ça, on pourra prendre 5 minutes chacun, puis montrer ce qu'on a bricolé cet après-midi ensemble. Oui? Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a un niveau de compétence minimum qu'il faut avoir pour. Parce que j'ai fait ma présentation tout à l'heure, mais à vous entendre, c'est très intéressant et je suis intéressé peut-être à. Créer une application de visualisation de nos données et peut-être créer une application. Écoute, est-ce que tu as un format JSON disponible? Non, je n'ai aucune compétence. Ok, parfait. Alors tu montreras que, regarde, toi tu voudrais, mettons, on pourrait essayer de faire ça cet après-midi, prendre les données qui t'intéressent, on pourrait les convertir en JSON puis les mettre dans un Elasticsearch puis montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et je veux dire, c'est l'objectif d'un meet-up d'une communauté ouverte, c'est de se rencontrer. Puis de. Mais pour résumer, je vous dirais que si tu fais du JavaScript, puis tu sais c'est quoi, tu fais la différence entre une accolade puis un double guillemet, puis tu es capable de formater tes données avec un langage de programmation en JSON, tu peux faire de l'Elasticsearch. D'ailleurs, vous savez, toute la vague en ce moment du NoSQL, c'est beaucoup orienté, les MongoDB, Cassandra, même Microsoft dans Azure a mis en place DocumentDB pour réagir à tout ça comme d'habitude, parce que du document JSON stocké, indexé à haut volume sur des clusters, ben, c'est en train de devenir la norme du Big Data. Et ben, Elasticsearch en ce moment, c'est la référence open source pour faire ça. Alors je vous invite à le découvrir et à l'essayer cet après-midi. Merci beaucoup. Si vous avez, comme exemple, sur tous les portails de données ouvertes du gouvernement, vous avez souvent un format CSV, Excel, vous allez voir à côté JSON. Mais JSON, ce format-là, on peut l'importer directement là-dedans. Écoutez, voyez Elasticsearch comme un bol de toilette extrêmement efficace qui vous débarrasse de n'importe quoi, de quoi que vous mettez. Alors, vous ouvrez le couvercle, là, puis quand vous tirez sur la chaîne, ben, vous en êtes débarrassé, puis à l'autre bout, ben, c'est utilisable. Merci.